tandis que les uns parcouraient les campagnes, exerçant les industries les plus humbles, raccommodeurs de porcelaine, rempailleurs de chaises, fabricants de corbeilles et de paniers, diseurs de bonnes aventures, rebouteurs ou sorciers, gitans au bord des routes, vivant à la grâce de Dieu, ou plutôt aux dépens de la compagnie, maraudant un brin, mendiant ou braconnant à la barbe du champignol, garde champêtre, les autres de goût plus raffiné ou plus ambitieux, avaient rejoint le voyage, s'étaient installés et avaient eu des fortunes diverses. Quelques-uns, les insouciants, continuaient à végéter dans les derniers emplois, étaient restés garçons de piste, musiciens ou chiquets, tandis que la plupart, comme lui, Lamberti, étaient arrivés, à force de travail, à acquérir à la fois de l'aisance et une certaine notoriété. Mais à quelques degrés de l'échelle sociale qu'ils pussent appartenir, les rabouins, c'est le terme familier qui sert à désigner les ramonis sur le voyage, sans exception obéissent à la même loi, et malheur à qui la transgresse. Un rabouin ne peut épouser qu'une fille de rabouin, et encore ce mariage doit-il être dépourvu de toutes les formalités ordinaires. Pas de mairie, pas d'église. Les futurs conjoints se réunissent devant le plus ancien de leur tribu, car bien qu'errants, ils forment encore des tribus, qui les unissent sans autre forme de procès. Les ramonis ne sont d'aucun pays. Ils sont rabouins, voilà tout. Toujours par mont, par vaux et par chemin, ils échappent à tout recensement et en fait d'impôts ne payent que la patente obligatoire inhérente à leur état. Ils négligent de faire inscrire leurs enfants à la mairie, esquivant par ce moyen la conscription et le service militaire. Ils ne tombent sous la règle commune qui régit la société que le jour de leur mort. Ne pouvant faire disparaître le cadavre, ils doivent faire la déclaration de décès à la mairie du pays qu'ils traversent. Mais c'est là l'unique obligation à laquelle il ne leur est pas permis d'échapper. Et s'ils sont parvenus à conserver ainsi leurs droits et leurs coutumes traditionnelles dans toute leur intégrité, ils le doivent à la sévérité avec laquelle ils punissent quiconque y contrevient. Les anciens s'érigent en tribunal et rendent des arrêts sans appel. Aussi était-il étonnant que le mariage de Maria, célébré jadis contrairement aux règles, n'eût pas donné lieu de la part des ramonis à des représailles justifiées par cette transgression. De semblables mésalliances n'avaient-elles pas souvent donné lieu à des scènes sanglantes? Dernièrement encore, une troupe de rabouins n'avait-elle pas attendu un soir, à Asnières, sur le bord de l'eau, un jeune homme qui devait épouser le lendemain une ramonie? Il l'avait saisi, dépouillé, lardé de coups de couteau et jeté dans la Seine. Certes, lui, Lamberti, était loin d'approuver ces mesures extrêmes, mais il était, comme ses coreligionnaires, respectueux des coutumes anciennes. On avait eu raison de laisser épouser Maria par chausse rouge, puisque tel avait été son bon plaisir. Mais à partir du jour où elle était devenue la femme d'un chrétien, elle avait délibérément rompu tous les liens qui rattachaient à ceux de sa race. Elle avait cessé d'exister pour eux et son fils n'avait pas qualité pour se réclamer d'un titre qui ne lui appartenait pas. De telle sorte, conclut Lamberti, que si je me permettais de passer outre d'accéder à votre désir, je trahirais la cause que je suis chargé de défendre, et je m'attirerai de justes remontrances que je ne peux pas encourir. » Chausse-Rouge quitta tout penaud le directeur du miroir magique. Décidément, Louise Tabary avait toujours raison. Elle avait prévu la réception qu'on venait de lui faire, et c'était en connaissance de cause qu'elle l'avait tout d'abord engagé avec tant d'insistance à s'adresser à Vermieux. Il rendit compte de sa démarche à sa maîtresse. « C'est bien fait, » répondit Louise. « Je t'avais prévenu. Tu n'as pas voulu m'écouter. » Pendant ton absence, je n'ai pas perdu mon temps. Comme je prévoyais la réponse qu'on t'a faite, je me suis mise aujourd'hui en campagne et ce soir Vermieux sera là. Je l'ai invité à dîner. Tu sais, joue serré avec celui-là, c'est un malin. Du reste, je serai là pour t'appuyer. Chausse-Rouge ne connaissait Vermieux que de vue et de réputation. Par oui dire, il le savait impitoyable et rusé comme un singe. L'usurier passait pour avoir ruiné déjà pas mal de forains qui avaient voulu jouer au plus fin avec lui. De là la répugnance du dompteur à entrer en relation avec lui. Vermieux fut exact au rendez-vous. « Bonjour garçon, » dit-il à Chausse-Rouge, avec sa bonhomie cauteleuse, en lui tendant la main. « Eh bien, quoi donc? C'est vrai ce que Louise m'a dit? On a quelques malheurs? C'est bon, on en reviendra. Je ne veux pas te dire que je suis content de la circonstance qui me fournit l'occasion de boire un verre avec toi, mais ça me fait plaisir de trouver le fils d'un vieux camarade, d'un pays, car le père Chausse-Rouge était aussi de l'Auvergne. Et si je peux être utile, par ma foi, j'en serai content. » Le repas fut très animé. Vermieux buvait beaucoup et mangeait comme quatre. il affecta pendant le dîner de ne faire aucune allusion au motif de leur réunion. Au dessert, il fallut aborder la question. Vermieux alluma sa pipe et, avec une netteté, une précision que Chaussure Rouge fut surpris de rencontrer chez un homme qui venait de faire de telles libations, il posa une série de questions au dompteur. Puis, lorsqu'il se fut renseigné suffisamment, « Hum, hum, » fit-il, « tu dis, garçon, qu'il te faudrait pour te recaler 10 000 francs. »« 10 000 francs, c'est une somme, et ça ne se trouve pas sous le pas d'un cheval. »« C'est que, sais-tu, garçon, qu'il y a rudement des risques aujourd'hui dans notre sacré métier. Regarde à quoi tient le succès. En 10 ans de temps, ton père, parti de rien, est parvenu à faire une fortune. En 5 ans, et bien que n'ayant rien négligé pour réussir, tu as bouloté toutes tes économies. Moi, j'ai débuté sur le voyage comme galop, petit employé. J'ai réussi à mettre 4 sous de côté. Aujourd'hui, il n'y aurait plus mèche, tout ça pour dire que les temps ont bien changé. » Et le père Vermieux passa en revue toutes les industries foraines. Les vélocipèdes végétaient, les chevaux de bois étaient usés, les bonnes fertes ne gagnaient plus leur pain, les panoramas, les musées, les phénomènes ne faisaient plus le sou. Seuls les entresorts avec la danse du ventre et les petites femmes tenaient encore coup. La préfecture venait d'y mettre bon ordre, et la mère Tabary en savait quelque chose. Plus moyen de faire de musique après 11 heures, plus d'orchestre. Une fête sans tambour, sans grosse caisse, sans cymbales, est-ce que ça pouvait se comprendre? Les musiciens allemands, qui ne coûtaient rien ou à peu près, remplacés obligatoirement par des musiciens français qui exigeaient des 6 francs par jour, et cela sous peine de voir la baraque démolie par les patriotes indignés. Augmentation des frais, diminution des recettes, tel était le bilan du voyage. Et encore, il ne venait d'examiner que le petit côté de la question. Voilà que maintenant l'industrie foraine, au lieu de rester l'apanage d'un petit nombre d'individus ayant mêmes origines, mêmes goûts, mêmes idées, comme dans son temps, venait de s'augmenter d'un certain nombre d'adhérents, dont la venue allait, à brève échéance, causer la ruine des entrepreneurs de petits spectacles. Des compagnies françaises et anglaises se formaient tous les jours, avec un gros capital, et montaient avec un luxe que ne pouvaient atteindre les anciens du voyage, des établissements éclairés à la lumière électrique, dorés, marchant à la vapeur, avec un personnel en livrée, des caissiers, des contrôleurs, des surveillants, etc. De véritables administrations, quoi. Et ils s'installaient sur les emplacements les plus favorables, avec la complicité du placardier, le délégué au placement, des commissaires de police des municipalités qu'ils couvraient d'or, au grand détriment de ceux qui occupaient les mêmes places avant eux. C'étaient les bateaux mers sur terre, grands comme de véritables chaloupes, des chevaux mécaniques, grandeur naturelle, et marchant au galop, des courses en ballon, un tas d'innovations dont se passait bien l'opère, et qui tuaient l'industrie des petits, comme les grands magasins menacent tous les jours d'englober tout le commerce parisien. Ainsi va la vie, les gras mangent toujours les maigres, et depuis leur intrusion, plus moyen d'avoir une place, sinon à la gauche du voyage. Et le mètre carré se paye des sommes exorbitantes. Ils ont eu beau augmenter et doubler le prix de leur place, le public se presse dans leur baraque, attiré par la nouveauté, et délaisse les anciens. Ce sont eux, les nouveaux venus, qui par leur fla-fla, nous ont mis à dos une partie de la population. C'est depuis qu'ils ont envahi le voyage qu'on a fondé la Ligue antiforaine, qui ne tient rien moins qu'à obtenir qu'on nous chasse en dehors des fortifications. Alors du coup, ça sera la ruine. Déjà le public, par le luxe auquel on l'a habitué, ne prend plus le même plaisir à nos spectacles modestes. Bientôt, si ça continue, il les délaissera complètement. Alors ce sera la misère complète. Pas de recettes, pas de pain à donner aux gosses. Et pourtant, faut manger tous les jours. Et on vient trouver le père Vermieux. Père Vermieux, voyez notre situation. Vous savez ce que c'est, le métier ne va pas. Je sais plus comment faire. Vous ne pourriez pas me prêter 100 francs. Et le père Vermieux, bonne bête, y va de sa bonne galette, sans savoir si elle lui rentrera jamais. Et il y en a comme ça sur tout le voyage. Ah, mon vieux Chaussure Rouge, c'est rudement triste tout de même pour moi, quand je me vois obligé, pour entrer dans mes fonds, de faire vendre. De pauvres diables souvent qui savent pas où coucher le soir. Mais pourtant, faut être juste, je peux pas me mettre sur la paille. Et on dit comme ça, je le sais. Oh, le père Vermieux, c'est une vieille crapule. Crapule, pas tant que ça. Et tous ceux qui font les malins seraient rudement embarrassés s'ils ne m'avaient pas. Seulement, si je veux continuer à me rendre utile à mes anciens confrères, faut que j'en garde le moyen. Faut que je me réserve et que je prenne mes précautions, pas vrai? Tout ça, garçon, pour arriver à te dire que je ne doute pas de ta bonne foi et de la bonne volonté, Mais, dame, 10 000 balles, ça me donne à réfléchir. Mon établissement, pervers mieux, vaut 4 ou 5 fois la somme, et je ne fais que traverser une crise. Et si ta baraque brûle? Et si tes pensionnaires crèvent? Et si tu meurs? Hein, dis un peu, qu'est-ce qui me restera? Vous cherchez la petite bête, pervers mieux, je sais soigner mes animaux. De plus, je suis assuré, et si je meurs, la ménagerie ne mourra pas avec moi. Ah, elle perdra rudement de sa valeur. Des lions sans dompteurs, c'est une marchandise qui coûte au lieu de rapporter. Enfin, je veux bien. C'est entendu, il n'arrivera rien de tout cela. Vous autres et les lutteurs, vous êtes encore ceux qui résistez le mieux. Et encore, les lutteurs, depuis qu'on a organisé des matchs dans les grands établissements, depuis qu'on parle de fonder des arènes nationales, enfin, suppose que je te prête, comment comptes-tu t'acquitter? C'est à vous de régler les conditions de remboursement. Le père Vermieux se gratta un instant le front. Puis, tu vas d'abord, dit-il, me donner hypothèque sur ton établissement. Il est, bien entendu, n'est-ce pas, que c'est une première hypothèque. Il n'y en a pas d'autre avant la mienne? Je ne dois pas un sou, répliqua Chausse-Rouge. Ainsi, bon, cela, tu me payeras les intérêts à raison de 10 du 100 l'an, en 2 fois ou en 4 fois, si cela te fait plaisir. Moi, ça m'est égal, pourvu que cela corresponde à une fin de trimestre. C'est l'époque où je reviens régulièrement à Paris. Comme je casque rubis sur l'ongle, c'est-à-dire comptant, je te retiens l'escompte, c'est-à-dire 10 du 100 sur la valeur totale. Enfin, je te laisse 3 mois de répit. Et tu me rembourseras à partir du 4e mois, à raison de 300 francs tous les 30 jours. Ça te va-t-il? J'espère que je te traite en ami, que ce sont là, vu les risques, des conditions raisonnables et chrétiennes. Il est bien entendu qu'on déduira les intérêts exigés pour la somme totale au fur et à mesure du paiement des billets que tu vas me signer. Chausse-Rouge fit la grimace. Vous voulez donc m'étrangler, père Vermieux? Ah, ça c'est trop fort, s'exclama le vieil usurier. Je fais pour toi un sacrifice énorme. Je te tire d'embarras et tu te plains. Dis donc, tu sais, tu n'es pas obligé de traiter avec moi. Tâche donc d'en trouver un autre qui te rendra le même service comme ça, sans récriminer. Mais moi, je ne te paye pas en crocodiles empaillés. Ce sont des bons billets de la Banque de France que je vais t'aligner en échange de ton papier. Un papier que je ne pourrais même pas passer dans le commerce. Mais avis, dit alors Louise Tabary, qui n'avait pas ouvert la bouche depuis le commencement de l'entretien, que pour un compatriote, vous auriez pu faire une exception. Si le père Chausse-Rouge, votre ancien ami, vous avait demandé le même service, vous lui auriez fait des conditions moins dures. Les mêmes, articula nettement Vermieux. D'ailleurs, c'est à prendre ou à laisser. Ah, on voit bien que vous n'êtes pas dans les affaires, vous autres. Il faut se défendre si on ne veut pas être mangé. Moi, je vous dis que je suis moi-même étonné des égards que je montre à François. C'est plus fort que moi. Je me sens de l'amitié pour lui. Si vous connaissiez les conditions que je fais aux autres. Force fut à Chausse-Rouge de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il dut se résoudre à passer par les exigences de Vermieux. « Va donc, lui dit Louise Tabary, quand le vieil usurier fut parti, après lui avoir donné rendez-vous pour le lendemain, va donc, ça ne sera pas toujours le tour des mêmes. Aujourd'hui, nous avons besoin de son argent, mais nous sommes aussi malins que lui, et nous lui revaudrons sa petite canaillerie, n'aie pas peur. Il viendra bien un jour où on le forcera de rendre gorge, le grigou. » « Mais en attendant, il faudra payer, dit le dompteur pensif. 300 francs par mois, 10% d'intérêt. Matin, il peut être riche. » Louise Tabary haussa les épaules. « J'ai passé par des moments qui n'étaient pas drôles, je te jure. Et j'étais autrement embarrassé, quand, toute gosse, il m'a fallu débuter avec rien. Et j'avais cependant sur le dos un homme qui m'était plus dispendieux qu'utile. Ça ne m'a pas empêché de ressortir. Ah, et à propos de Tabary, tu sais qu'il ne va pas du tout, le pauvre vieux ? De temps en temps, je veux le voir à son hospice. Il est rudement bas. Il a la langue à peu près paralysée. C'est à peine si on comprend ce qu'il dit. Les médecins prétendent qu'il a... Attends que je me rappelle. C'est ça, j'y suis. Ils disent qu'il a de l'ataxie. La dernière fois que j'ai été le voir, sitôt qu'il m'a aperçu, il s'est mis à bredouiller. Il me tendait la main. Eh bien, tu sais, ça m'a fait quelque chose. J'y avais apporté du chocolat, des oranges, du tabac, un tas de friandises. J'ai bien peur qu'il ne finisse pas l'année. C'était une bonne bête, tu sais, pas un méchant homme. Elle parlait très tranquillement, sans émotion, comme s'il se fût agi d'un pauvre à qui elle faisait la charité. Cette indifférence déplut à Chausse-Rouge. Tout de même, dit-il d'un ton choqué, tu ne montres pas grande affection pour ce pauvre diable. C'est ton mari, cependant. Oh, il l'a été si peu, répliqua Louise. Il m'a aidé à sortir du milieu où je suis né, où j'aurais vécu misérablement. Mais à part ça, il a plutôt été pour moi un embarras. Il n'a fait qu'une chose de bien dans sa vie, c'est son garçon. Je le soigne du mieux que je peux. Grâce à moi, il vivra tranquille. Il n'a vraiment pas le droit d'exiger davantage. » Chausse-Rouge ne resta à Paris que le temps nécessaire pour arrêter définitivement les conventions de son emprunt avec Vermieux. Puis il rejoignit la ménagerie à 7. Il trouva Amélie debout. La chaleur, les effluves vivifiantes de la mer avaient rendu à sa face si pâle un peu de couleur. Elle sauta au cou de son mari, les yeux brillants de larmes. « Comme je suis contente de te revoir. Tu sais, quand on est malade comme moi, on a toujours peur de ne plus jamais revoir ceux dont on se sépare, même pour quelques heures. Folle, va, te voilà déjà grande fille. Avec un beau temps comme celui qu'il fait aujourd'hui, tu vas te guérir, et tu nous enterreras tous. Oh non, pas ça, j'aurais trop de chagrin. Et ton voyage? Ça s'est-il bien passé ?» Chausse-Rouge lui raconta ses démarches, son insuccès avec Lamberti, ses conditions avec Vermieux, conditions léonines, mais par lesquelles il avait bien fallu passer. « Seulement, ajouta-t-il, avec les 9 000 francs que je te rapporte, nous allons pouvoir nous refaire. » Intentionnellement et par délicatesse, il ne parla pas de sa maîtresse. « Et Louise Tabary ?» demanda Amélie en baissant les yeux. « Tu l'as vue ?»« Oui, répliqua Chausse-Rouge, enchanté que la demande vînt de sa femme. « Elle s'est beaucoup inquiétée de toi, et elle m'a chargé de te dire bien des choses. « Ah, elle m'a été là-bas d'une bien grande utilité. « C'est une femme de bon conseil. « Et ici, tout a-t-il bien marché ?» Oui, Jean était très bien pour moi. Je suis revenu un peu sur son compte. Tous les jours, dès que j'ai pu me lever, il m'a mené faire un tour de plage avec Zézette. Il s'est beaucoup occupé des animaux, et il n'y a eu aucun accroc. Il sembla qu'à partir du moment où la ménagerie disposait d'un nouveau fonds de réserve, elle entrait dans une ère nouvelle de prospérité. À Marseille, puis à Nice, où elle séjourna une grande partie de l'hiver, les représentations eurent beaucoup de succès. « Ce que c'est tout de même, disait Jean Tabary, de ne plus être à court. Dès que les recettes ne sont plus indispensables absolument pour manger, elles grossissent. On peut bien dire que l'eau va à la rivière. » Cependant, Zézette grandissait. Elle allait atteindre sa 8e année. Comme l'existence nomade que menaient ses parents ne permettait pas de lui faire suivre des cours, que d'autre part, la jeune femme, dont la santé restait chancelante, ne voulait pas se séparer de sa fille, il fallut aviser. Le moment était venu où il allait falloir s'occuper de son instruction. Amélie se fit son institutrice. Elle assuma la tâche de lui apprendre à lire, mais elle se heurta à une indocilité peu commune. Chausse-Rouge, plein de faiblesse pour sa petite, souriait de ses efforts infructueux. Il se rappelait sa propre jeunesse, l'époque où il s'échappait de l'institution où son père l'avait placé pour venir rejoindre le voyage. Aussi ne trouvait-il jamais un mot de reproche pour son enfant. « Tu la gâtes trop, disait la mère. Tu es cause que je n'en puis venir à bout. Laisse donc. Qu'est-ce que tu veux en faire de ta fille? Pas une princesse, n'est-ce pas? Alors à quoi bon la tourmenter? On verra plus tard, quand elle sera plus grande. Pour faire une femme de dompteur, et peut-être une dompteuse, elle en sera toujours assez. Ah non, par exemple, reprenait la mère, je ne veux pas que ma fille entre jamais dans les cages. Ce n'est pas moi qui l'y forcerai, mais elle y entrera tout de même si c'est son idée. En effet, Chausse-Rouge voyait loin. Longtemps, il avait regretté de n'avoir pas un garçon qui put lui succéder et perpétuer la dynastie des Chausse-Rouge dompteurs. L'amour de son métier le faisait penser autrement que son père, et il ne croyait pas qu'il fût possible de choisir une carrière plus glorieuse. Les dispositions naturelles de Zézette, certaines particularités qui ne lui échappèrent pas, flattèrent son orgueil paternel. L'enfant manifestait une véritable passion pour les pensionnaires de son père. Le soir, quand l'orchestre faisait rage, que le bonisseur conviait le public à entrer pour la dernière représentation, il était impossible d'obtenir qu'elle restât à la caravane. Alors sa mère la prenait par la main, la menait dans la ménagerie, et elle ne consentait à rentrer qu'au moment où, le repas des animaux étant terminé, on éteignait les derniers becs de gaz. Elle connaissait tous les lions par leur nom, elle les appelait en passant devant leur cage, et on eût dit que, de leur côté, les bêtes s'intéressaient à la petite amie, qui tendait vers elle ses menottes. Ils avançaient leurs grosses têtes vers les barreaux, comme s'ils eussent voulu venir à elle. Parfois, dans la nuit, quand un rugissement auquel répondaient les grognements des ours et le rire des singes parvenait jusqu'à elle, elle s'accoudait sur son petit lit et réveillait son père. « Papa, tu n'entends pas, c'est Néron qui t'appelle !» Elle distinguait, sans se tromper jamais, la voix de toutes les bêtes, résultat auquel n'était jamais parvenu Chausse-Rouge lui-même. Dans la journée, chaque fois qu'elle pouvait échapper à la surveillance de sa mère, son grand plaisir était de courir à la ménagerie pour retrouver son grand ami l'éléphant Mocard. Mocard montrait à Zézette une affection singulière. il avait pour elle des attentions délicates. Dès qu'elle arrivait, il allongeait sa trompe, sur laquelle elle se mettait à cheval. Puis il la soulevait, et pendant des heures, il balançait l'enfant, qui s'abandonnait, ravi, les yeux fermés, les deux petits bras serrant étroitement la trompe. Et il fallait se fâcher pour la faire descendre de cette escarpolette d'un nouveau genre. Ou bien elle prélevait une dîme sur son dîner, réservait une croûte de pain, un morceau de gâteau, qu'elle cachait soigneusement. C'était pour la grandeur, le petit ours des cocotiers, le clown de la troupe, à qui elle passait du bout des doigts et un morceau par morceau, mille friandises, s'amusant des mines drôles de la bête. Quelquefois, poussée par une sorte d'instinct atavique, elle restait assise devant les cages, sans rien dire, sans un geste, les pupilles dilatées, des heures durant. Un jour, que par suite de la négligence des garçons de piste, la ménagerie était déserte, son père ne l'avait-il pas surprise, debout dans l'allée qui longe les cages, en face de Néron. Le lion était couché, le mufle près des barreaux, les yeux demi-clos, une de ses pattes énormes pendant au dehors. Zézette caressait l'animal, lui passait la main alternativement sur la patte et sur le nez. Chausseur rouge pâlit. De peur d'effrayer le lion, il n'osait pas crier, et Zézette, inconsciente du danger, joyeuse de pouvoir toucher la bébête, continuait son manège, auquel Néron paraissait prendre plaisir. Le dompteur s'approcha doucement par derrière, et quand il fut à portée de l'enfant, il la saisit et la ramena brusquement à lui. « Petite malheureuse, fit-il, tu veux donc te faire croquer ?» Néron était réputé pour son affreux caractère, et à maintes reprises, il avait failli faire un mauvais parti au garçon de piste, qui avait eu l'imprudence de l'approcher de trop près. Alors, elle, d'un ton enfantin, qui désarma le père, « Mais papa, je ne voulais pas lui faire de mal !» Chausse rouge serra sa fille contre lui. Son sang parlait en elle. Celle-là aussi serait une dompteuse. Il lui expliqua seulement que parfois les bêtes étaient méchantes, soit qu'elles eussent mal dormi, soit qu'elles eussent envie de dîner, et qu'il n'était jamais prudent aux petites filles de s'approcher trop près d'elles. « Plus tard, dit-il, quand tu les connaîtras bien, quand elles aussi te connaîtront, tu pourras les caresser. Et tu m'emmèneras avec toi dans les cages, dit papa, demanda l'enfant enthousiasmé. Oui, si tu es sage et si tu m'écoutes. Seulement, auparavant, il faut bien travailler et contenter ta mère, qui se plaint que tu n'es pas gentille. Ça m'ennuie d'apprendre à lire. Quand on veut devenir dompteur, il faut apprendre à lire comme papa. De ce jour, Zézette, au grand étonnement d'Amélie, devint une élève docile et attentive, et elle fit les plus rapides progrès. Chausserouge expliqua à sa femme les motifs de ce changement si brusque qu'il l'enchantait. Voilà l'indice d'une réelle vocation. Notre Zézette paiera nos dettes et rétablira la fortune de la ménagerie. S'il ne lui arrive pas malheur auparavant, soupira la mère, que ses dispositions inquiétaient. Dès lors, chaque jour, à l'heure où il arrivait pour déjeuner, Zézette courait au-devant de Chausserouge. « Papa, j'ai bien travaillé ce matin. Ma récompense ?» Le dompteur interrogeait la mère de l'œil. « Je suis très contente d'elle, » répondait Amélie. « Elle a été très sage. » Alors Chausserouge embrassait sa fille. Puis après le repas, il la prenait par la main, et tous les deux descendaient à la ménagerie. Et c'était de longues explications sur la nature, les mœurs, le caractère de chaque animal, dans un langage familier, presque enfantin, à la portée de la gamine, qui n'en perdait pas un mot. Puis on faisait un petit tour de balançoire sur la trompe de Mocard, un tour de promenade autour de l'établissement, à califourchon sur le dos d'un poney. On allait porter à l'oustique, le grand cynocéphale roux, quelques friandises à grignoter. Dès qu'elle approchait, le singe bondissait dans sa cage, s'accrochait au barreau et riait à l'enfant, en découvrant ses dents blanches et en faisant entendre un cri guttural, pareil à un bruit de crécelle. Puis il tendait sa main velue que Zézette saisissait et dans laquelle elle déposait un fruit, une amande ou une noisette. Et l'enfant s'amusait des mines de contentement de la bête et de sa hâte à enfouir dans les poches de ses joues les bonnes choses qu'elle lui apportait. « Tu as tort, disait parfois Amélie, d'encourager les goûts de cette petite. Elle finira par aimer mieux ces bêtes que nous. » Alors Chausserouge posait la question à l'enfant. « Qui aimes-tu mieux, papa et maman ou Loustique et Mocard ?»« J'aime mieux, répondait-elle invariablement, papa et maman et Loustique et Mocard. » On ne put jamais arriver à lui faire préciser un choix, ni obtenir qu'elle ne mît pas sur la même ligne son père et sa mère et ses deux animaux favoris. Et c'est ainsi qu'elle grandit, prenant de jour en jour un goût plus vif à la profession paternelle, puisant dans cette vie au grand air une vigueur extraordinaire. Pendant quelque temps, Chausserouge put croire que la mauvaise fortune était définitivement conjurée et que la ménagerie allait finir par retrouver sa vogue d'antan. Les mois passaient, la tournée se poursuivait avec des alternatives de gains ou de pertes, mais le résultat général demeurait satisfaisant, à ce point que sur la proposition d'un Barnum, qui fit miroiter à ses yeux l'espérance d'une campagne fructueuse, le dompteur se décida à pousser jusqu'en Italie. Aussi bien, un mieux sensible s'était déclaré chez sa femme, depuis qu'il voyageait dans le Midi. Si Amélie n'était pas revenue à la santé, du moins son état s'était maintenu stationnaire et n'inspirait plus les mêmes inquiétudes. Jean Tabary avait acquis dans le métier une expérience qui le mettait désormais à l'abri contre les imprudences des premiers jours, imprudences qui eussent mis l'établissement à deux doigts de sa perte, si Chausserouge ne se fût résigné à avoir recours à Vermieux. Le souvenir de la dette contractée était du reste le seul souci qui altéra le contentement du dompteur, sans l'inquiéter toutefois à outre mesure. Il avait pu payer sans trop de gêne les premiers billets venus à échéance, et l'espoir de la forte somme, qui avait fait luire à ses yeux le Barnum italien, augmentait encore sa confiance dans l'avenir. Malheureusement, il ne tarda pas à s'apercevoir que ce n'était là qu'un temps d'arrêt dans l'adversité. Il eut un brusque et douloureux réveil. L'impresario s'était engagé à faire face aux frais considérables que nécessitait le transport de la ménagerie de l'autre côté de la frontière. Il devait subvenir aux dépenses journalières jusqu'au jour de la première représentation. C'était encore par ses soins qu'une immense publicité par affiche et dans la presse devait être faite dans toutes les villes où le dompteur devait séjourner. Il devait ensuite encaisser et diviser en deux parties égales le montant des recettes. C'était pour Chausserouge une excellente opération, pas un sou à débourser et des bénéfices assurés. Aussi n'hésita-t-il pas à signer le traité que le signor Baldini, c'était le nom de l'impresario, avait préparé. Du reste, cet Italien, aux manières patelines, au parler grasseyant, flatteur et cauteleux, inspirait à tous une égale confiance, sauf toutefois à Jean Tabary. « As-tu bien pris tes renseignements sur ce bonhomme-là » demanda-t-il au dompteur. « Tu es bête, » répliqua Chausserouge. « Il a déjà fait affaire jadis, m'a-t-il dit, avec mon collègue Perdel, qu'il a transporté à ses frais, et par mer avec toute sa troupe, de Marseille en Espagne. Ce n'est pas sa première entreprise. Il a réussi déjà. » Il n'y a pas de raison pour qu'il ne réussisse pas avec moi. C'est égal, à ta place, j'aurais demandé un cautionnement, quelque chose, enfin une garantie. Par exemple, c'eût été lui faire injure. C'est un homme trop loyal pour cela. Avant de toucher un sou, il n'hésite pas à avancer des sommes considérables, puisqu'il prend la charge de tous nos frais. Tu vois bien que nous n'avons rien à craindre. Je le souhaite, mais prends bien tes précautions. Il me paraît bien poli, pour être honnête. Et puis, en principe, je n'aime pas les italboches. N'aie donc pas peur, il ne se sauvera pas. Il a trop d'argent dehors. Oui, mais s'il nous laisse en plan. Je pense que tu es fou. Nous sommes là d'ailleurs. Et puis c'est à nous d'y veiller. Tu es le seul à avoir de ces ridicules préventions. Tiens, Amélie, qui est une femme très entendue, me disait encore hier. C'est un coup de fortune qui nous tombe. Amélie n'est qu'une femme qui ne connaît pas grand-chose aux affaires. Il ne faut jamais s'illusionner. Et toujours voir les choses au pire. Si le mal que l'on redoute n'arrive pas, tant mieux. Seulement, il faut s'arranger pour n'être pas pris, le cas échéant, au dépourvu.